C'est l'heure, comme chaque mercredi, des sorties cinéma. Au programme, une invasion façon Guerre des Mondes avec la sublime Nicole Kidman et à ses côtés le beau Daniel 007 Craig. Le couple inséparable Jackie Chan Chris Tucker pour Rush Hour 3. Notre couple met plutôt au bord de la rupture, c'est Emmanuel DeVos et Gérard Damon pour Deux Vies Plus Une. Quand le divorce est proche, il est préférable d'appeler un avocat, alors pourquoi pas George Clooney. Et c'est donc avec Michael Clayton, incarné ici donc par George Clooney, que l'on va débuter cette rubrique cinéma. Michael, un de mes clients a renversé un type en voiture. Il était en train de courir! Il traversait! J'ignore ce que Walter vous a promis, mais je vous garantis. Michael Clayton est un avocat très spécial. Aujourd'hui, tu es le meilleur dans ce que tu fais. C'est l'homme qu'on appelle dans les situations délicates. L'homme qui étouffe les scandales. Nous publions un article demain sur un arrangement dans l'affaire du défaillant Younor. Vous avez un commentaire? Je n'ai pas d'infos à révéler. Si on n'arrive pas à faire place nette, à reprendre le dessus, tout deviendra vulnérable. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que je compte sur toi. Nous risquons 3 milliards de dollars dans cette action collective. Ils les ont tués, Michael. Tous ces fermiers, toutes ces familles. Ils montent un dossier contre Younor. Putain, qui va l'empêcher? Tu as rencontré Anna. Je devais le voir. Il m'avait promis qu'on gagnerait le procès. J'ai passé 12% de mon existence à détruire la parfaite Anna et ses parents morts et son frère mourant. Je ne suis pas ton ennemi. Alors qui es-tu? Qui il est? George Clooney et Michael Clayton, avocat dans l'un des plus grands cabinets juridiques new-yorkais. Il va devoir faire un choix entre étouffer une vérité ou la faire éclater au péril de sa vie. Vous connaissez Michael Clayton, il faut l'éliminer. Sors de cette voiture, tout de suite. Je ne suis pas le connard qu'on assassine, je suis celui qu'on paye. Êtes-vous aveugle au point de ne pas voir ce que je suis vraiment? Est-ce que j'ai vraiment une gueule à négocier? George ne semble vraiment pas prêt à négocier. Jackie Chan et Chris Tucker non plus, c'est le film fraîche de la semaine, Rush Hour 3. On ne change pas une équipe qui gagne, cette fois l'action et Iliana se passe dans notre belle capitale. Ah, Paris. C'est la guerre. Ici, dans ma propre ville, une douzaine de nos agents des services secrets ont déjà été assassinés. C'est la plus grande organisation criminelle au monde. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Excusez-moi, messieurs. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que deux flics comme vous viennent faire ici? On est là en touriste. Bienvenue à Paris. Carter et Lee sont de retour. On se sépare. Je m'occupe des filles. Là, on ne les attend pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille ici, mon petit chou. Qui êtes-vous? Je suis Bibiche, le nouveau costumier. Allez, les filles, enlevez-moi ces fripes. Chris Tucker, Jackie Chan. Qui êtes-vous? Vous? Non, pas moi, vous. Moi? Je suis vous. Vous êtes sourd? Non, vous êtes aveugle. Vous? Oui. Pas vous, lui. Votre nom, c'est moi? Quoi? Oui, vous. C'est moi. Oui, c'est moi. Et moi, c'est vous. Et moi, je vais vous botter le... Je le connais pas. Préparez-vous à un nouveau rush. Tu prends la droite et tu prends la gauche. Rush Hour 3. Dans un style beaucoup moins percutant, Deux Vies Plus Une, quand Emmanuel DeVos, marié à un Gérard Darmon trop protecteur, veut réconcilier sa vie actuelle avec ce dont elle rêve. Ça nous donne une comédie fantaisiste au ton décalé sur la crise de la quarantaine. C'est que ça? Quoi, ça, c'est pour faire joli, ça? Non, attends, les miettes. Ah. J'arrive pas à être moi-même. Non, il m'a tapé. J'arrive pas à faire ce que je veux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Je m'occupe, moi, de ce qui se passe dans ta classe. Vous n'avez pas mal visé? Il paraît qu'elle écrit des carnets. C'est quoi tout ça? Non, tu touches pas. Ouais, ça va, y a pas que toi qui bosse, hein. Mais dis donc, comment tu lui parles à ma femme? Ta femme, ça a d'abord été ma sœur, je te signale. Tu vas faire quoi avec tes carnets? Je vais les envoyer. À qui? À des éditeurs, mon amour. J'ai vraiment beaucoup aimé votre univers. J'ai rencontré quelqu'un qui croit en moi. Il est juif? Non, non, il est d'origine allemande. Oh. Son carnet sera édité par les éditions du Fil Rouge. Nous, on fonctionne au coup de foudre. Et ça va te garantir quoi? Ça va me garantir des emmerdes. Et maman, t'as connu d'autres hommes? C'est fini, j'arrête. Je veux dire, j'arrête l'éducation nationale. C'est n'importe quoi! Je suis pas un homme moderne, moi, je suis un homme ringard. Pourquoi la vie est si belle? Pourquoi la vie est si belle? On On termine les sorties cinéma avant le box-office de la semaine par Invasion, remake du film Invasion of the Body Snatchers, sorti en 1956, dont le scénario était tiré d'un roman de Jack Finney paru un an plus tôt. Une petite ressemblance avec La Guerre des Mondes, à part que ce ne sont pas des extraterrestres qui envahissent le monde, mais plutôt une matière mystérieuse, gluante, qui transforme les êtres humains et que l'on retrouve à la place de Tom Cruise, son ex-femme Nicole Kidman. Le film aurait dû sortir en 2006, mais les producteurs La Warner et Joel Silver n'étaient pas satisfaits du résultat. Certaines scènes ont même dû être retournées. Un morceau est tombé du ciel. Pourquoi faut-il empêcher les gens de les toucher ? Ah, c'est contaminé, ça peut très bien être contaminé. Quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais je le sens. T'as remarqué quelque chose ? Oui. Je veux vous aider, mais il faut que vous me parliez. Mon mari n'est pas mon mari. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça ne fait pas mal. Imaginez un monde où les êtres humains cesseraient justement d'être humains. Le changement se produit quand le corps entre en sommeil paradoxal. On se surveillera les uns les autres pour s'empêcher de dormir. On peut les tromper. Ne montrez aucune émotion. Ils ne sauront pas si vous en êtes ou non. Sortez ! Quand tu te réveilleras, tu te sentiras exactement la même. Et pour finir cette rubrique cinéma, le box-office de la semaine, même s'il a dégringolé de 3 places par rapport à la semaine dernière, La Vengeance d'Alapo est toujours dans le top 5 du box-office à la 5ème place. 4ème, L'Ennemi Intime, le film sur la guerre d'Algérie avec notamment Benoît Magimel et Albert Dupontel. 99 francs, lui aussi chute de 3 places, l'adaptation du best-seller de Frédéric Becbédé. Et 3ème, Resident Evil avec Mila Jovovich est second, et premier de ce box-office, le dernier, Claude Miller, Secret. Retrouvez toutes les sorties cinéma et les sorties DVD sur le www.happymorning.fr. Tout de suite, retour du son pop rock dans Happy Morning sur Oxygène FM.